donc un peu les filles. Allez, ouais, ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de Johnny de A à Z, le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 17h. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 24 avril et nous voici pour la 17e émission de Johnny de A à Z en mode confiné, en mode hors série. Et j'espère déjà que vous allez bien chez vous aussi, hein, et que vous allez profiter de cette petite heure d'aparté dans la journée pour écouter Johnny Hallyday, si vous ne l'avez pas fait avant, bien entendu. Je vous propose donc une nouvelle émission et on va écouter Johnny pendant plus d'une heure. Et aujourd'hui, une émission assez spéciale qui va retracer le Johnny Circus. Johnny Circus en 1972. La tournée s'est déroulée du 16 juin jusqu'au 5 septembre 1972. Et il est flagrant de voir combien, pour réussir sa carrière, Johnny savait garder un œil sur ce qui se passait dans le monde musical d'alors. Pour sa tournée d'été, Johnny décide d'adopter le concept du Rock'n'Roll Circus, mis sur pied par les Stones et aussi inspiré par Joe Cocker, Mad Dog Englishman, bien sûr. Et c'est ce qui va le mettre en branle sur les routes. Et c'est un concert, c'est une tournée mythique. Rien n'est simple dans cette gestion de chapiteaux rouges et jaunes loués par les Bouglions. C'est une sorte de ruche étrange où circulent monteurs, techniciens, amuseurs de toutes sortes, caravanes multiples. Elle est nantie d'un service d'ordre capable de gérer les 4 à 5 000 personnes attendues chaque soir et qui devront rester debout. Johnny dispose de sa propre caravane et d'un camion qui transporte ses motos, lesquelles suivent le cirque sans oublier une magnifique Rolls blanche. Cet étrange village de quelques 170 personnes est un nouveau concept en accord avec les années 1970. Depuis, des gens suivent la tournée, dont l'animation se poursuit tard après le spectacle. L'animateur chauffeur de salle est Sam Bernett. Et en première partie, la chanteuse noire Madeline Bell précède Johnny Hallyday qui assure la seconde partie avec ses musiciens et choristes, parmi lesquels, à l'époque, Nanette Workman, hein, entre autres, voilà. Et le travail n'est pas de tout repos car la population est difficile à gérer. Les difficultés ne vont pas tarder. Et comment en effet remplir un cirque de 4000 places et en parcourant des villes de 6 à 10 000 habitants, distantes seulement d'une cinquantaine de kilomètres? Les organisateurs ont été engagés par la production et ont touché une commission pour chaque ville vendue. Leur objectif était atteint, celui du producteur ne le serait jamais. Et derrière le producteur, il y avait Johnny. Ce calendrier ne permet pas d'atteindre le public nécessaire pour faire tourner décemment l'entreprise. Il eût fallu des distances plus importantes entre les villes visitées afin d'attirer un public suffisant. Et dans cette tournée, on va retrouver plusieurs titres. Plusieurs titres du genre « Je suis dans la rue »,« Fils de personne »,« Fille de la nuit », »,« Susie Q »,« La fille aux cheveux clairs »,« La loi »,« Que je t'aime »,« Essayez, il faut boire à la source », »,« Oh ma jolie Sarah »,« Comme si je devais mourir demain »,« Rien ne vaut cette fille-là »,« Tomber c'est facile »,« Toi tu voles l'amour » et le fameux « Dead or Alive » dont je vous diffuserai ce soir la version intégrale. Une version intégrale qui dure 9 minutes, mais on trouve sur certains concerts qui peut durer plus de 13 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on y va tout de suite. On va retrouver Johnny Hallyday pour commencer à Chantilly, puis après on le retrouvera à Valence également. Et aussi, oui, donc c'est ça. Et puis avec quelques commentaires des présentateurs de radio. Et on va retrouver aussi un petit commentaire de Julien Clerc. C'est parti, allez, j'arrête de parler, c'est parti. Johnny Hallyday, Johnny Circus, c'est tout de suite. Et ici, dans l'émission Johnny de A à Z. Thank you. Derrière un carnaval où je trouve détonné, sans personne le faire, je le fais grandir. Ne vous étonnez pas si je ne sais pas sourire. Je suis dans la rue, je suis né dans la rue. Je n'ai pas vu de faire pour me faire entrer le soir. J'ai bien souvent mon air travaillé pendant la nuit. Je jouais de la guitare aussi sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, je traversais ma rue. Je suis né dans la rue. Oh, dans la rue, dans la rue. Yeah. de satin, ceinture métallique, pantalon vert, il l'attaque. Quand je suis arrivé dans ta ville, je n'ai vu que toi dans la mémoire. Et je sentis mon bas-ventre comme une flamme qui m'a brûlé toute la nuit. Je t'ai cherché partout dans la ville, cherchant ton visage dans le noir. Thank you. Johnny de la Z avec aujourd'hui une spéciale Johnny Circus. On va retrouver Johnny à La Rochelle. C'était le 11 août 1972 et avec un titre Suzy Q. Alors évidemment, ce sont des documents amateurs, hein, donc évidemment, nous allons retrouver des différences de son entre chaque document que je propose dans cette émission du jour. Non, c'est maintenant. Et c'est un véritable torrent sonore qui déferle sur la salle. Vous n'en avez qu'une faible idée par vos transistors, parce qu'il faudrait 1000 transistors autour de vous. On vous rend compte de la puissance sonore de toute l'installation de Johnny, et également la puissance de la voix de Johnny, qui est la voix chaude et très dure. Bonjour. Je crois que les paroles que je pourrais vous dire ne seraient pas à la hauteur de ce que je peux ressentir en ce moment. Il y a des hommes qui choisissent de femmes. Il y en a qui aiment les brunes, il y en a qui aiment les longs. Moi j'aime le long de tous deux. J'aime les brunes aux yeux noirs. La chanson que je voudrais vous chanter maintenant est une chanson que nous avons faite sur une fille que j'ai connue il y a quelques années. Je commençais à pas la chanter encore. J'ai chanté à cette époque-là pour pouvoir acheter un sandwich et je peux vous dire que jamais aucun sandwich ne m'a paru meilleur. Et j'ai connu une fille avec des cheveux blonds, des yeux bleus. De la fenêtre de mon train, un sang j'ai vu et la fille. Il y avait le cheveu si clair que j'ai cru un instant rêver. Nous étions à la fin du jour, ils avaient longtemps, longtemps voyagé. J'avais des cendres dans la bouche et je me sentais fatigué, ouais. Mais les cheveux de cette fille, si blonds, si clairs, si transparents, redonnèrent cette fraîcheur que connaissent seuls les enfants. Elle n'attendait rien ni personne. Je suis descendu sur le quai. Elle m'a fait visiter sa ville et marcher dans des champs de blé. Près d'un fleuve sauvage et rapide, nous avons ensemble dormi. Et je crois bien l'avoir aimé au bout de la première nuit. Si vous prenez parfois le train, surveillez les quais désertés. Quelque part il y a cette fille, elle ressemble à l'été. Elle n'attendra rien ni personne, mais ne lui parlez pas de moi, non. Car je l'ai quittée au matin. Je me demande encore pourquoi. C'était une fille aux yeux clairs, je veux conserver son image. Je voudrais repousser l'hiver, mais le temps tuera son visage. et l'hiver. Mais le temps tuera ton visage. Je voudrais repousser l'hiver, mais le temps tuera ton visage. Ouais. Chanson en violet. Il ne laisse pas une minute à la salle, c'est reparti. Éclairage violet, bleu, orange. Toujours son pantalon vert, sa chemise blanche, une ceinture argentée. Et des bottes rouges et blanches aux pieds. Non, pas trop, non. C'était plutôt à Nouméa. C'était en mars 1972. Beaucoup de concerts sont inaudibles. Donc, pour compenser, je vous ai mis celui-là, qui était tout à fait dans le grain de ce qu'on a écouté lors de cette tournée des concerts. À présent, nous sommes à Chantilly. Comme un sommeil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur des montagnes, des forêts et des îles au trésor, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ta bouche fait douce dans ton corps.

faut essayer. Faut essayer. Oh, faut essayer. Que vous soyez blanc. Que vous soyez noir. Essayez de vous aimer. Essayez, faut essayer de taper dans vos mains. Direction Valence à présent, c'était le 9 juillet 1972. Retour Johnny avec Il faut boire à la source. Vous écoutez l'émission Johnny de Mazette qui retrace le fameux Johnny Circus. C'était le 16 juin 1972. Ce concert a été retransmis à la radio le 7 août 1972 et commenté par Julien Clerc, entre autres. Wow. Ma jolie Sarah. Attends. pas encore. Oh, oh, j'en ai marre. C'est tout cas, c'est tout pas, c'est tout las. Le désir, c'est une ligne dans les passes. Mais si l'on a plus rien. Oh, oh, oh, à propre ça. Le plaisir se dilue dans l'espace. Mais la vie, c'est pour rien. Non, pour rien. Maintenant, tapez dans vos mains. Maintenant, tapez. te dire, je ne peux plus vivre et mentir. J'ai vécu comme un animal. Combien de fois je fais mal. J'ai voulu vivre à tout prix. Je n'ai rien fait de ma vie. Et pour la première fois, je chante comme si je devais. C'est que tu vaux mieux que moi. Johnny de la Z, on redécouvre ce fameux concert, ou du moins cette fameuse tournée du Johnny Circus, qui officiait du 16 juin au 5 septembre 2012. Et du temps passé déjà, pour pleurer, combien à rire, non rien de bon cette fille-là, j'ai eu le meilleur. J'ai son corps et son cœur. Son corps et son cœur. Attendez, tu t'es fait. Et il y a des mots qui ont fait. Son corps et son cœur. son âme, de son corps et son cœur. C'est bien le concert de Chantilly qu'on écoute actuellement. C'est la meilleure qualité que nous retrouvons pour tous les concerts du Johnny Circus. L'adjectif qu'on lui a prêté le plus souvent, c'est l'adjectif scandaleux. Est-il lui-même vraiment scandaleux? Ce sont peut-être les gens, et en particulier les journalistes, qui ont toujours monté un peu en épinglette tout ce qu'il a fait et tout ce qui lui est arrivé. Quand un chanteur a un accident de voiture ou se casse un pied, comme ça peut arriver aussi, ça n'a pas le retentissement qu'il y a quand ce genre de choses arrive à Johnny. Alors, en vérité, je pense que Johnny est en réalité, je pense, un garçon assez timide et extrêmement simple. J'ai entendu dire un jour dans un interview qu'il ne pouvait pas, lui, Johnny Hallyday, rentrer quelque part de façon normale. Parce qu'il attire toujours les critiques, si vous voulez. Lui-même le dit, donc quand il rentre quelque part, il faut absolument qu'il se donne une contenance. Parce qu'il sent braquer sur lui les regards qui ne sont pas forcément bienveillants. D'où, si vous voulez, cette attitude qui se donne tout le temps, c'est-à-dire cette attitude un peu renfrognée, la tête baissée et constamment sur la défense. Julien Clerc, chut, laisse-tu les chanter. Oh. noyer le mal. Tu donnes l'espoir et puis tu t'en vas. Toi de ces jours, ce que tu fais, tu le verras. Présent pour retourner du côté de Valence et découvrir une version de Dead or Alive de plus de 9 minutes. Well, it's a hard road. le fan club Johnny Hallyday. Josette vous y attend pour les t-shirts, les photos du spectacle. Merci Sam David. Ainsi s'achève cette émission Johnny DZ spécial. Ouais, j'en avais une lettre spéciale Johnny Circus. Bienvenue sur le chapiteau de Johnny Circus. On y reviendra peut-être un jour ou l'autre, ouais, on sait jamais. Et puis espérons avoir un jour des images et de l'audio, mais bon, on peut toujours rêver. Je crois que ça ne viendra pas trop le jour. Hein. Bon, allez, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Merci encore d'avoir écouté cette émission spéciale. Et bon week-end à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.